On va parler avec notre collaborateur Frédéric Daigle de la presse canadienne. Comment tu as trouvé ces deux matchs au stade olympique? Comment que les informations, s'il y a eu des informations privilégiées? Salut Fred! Hey, bonjour Danny, comment ça va? Ça va bien, ça va bien Fred. Vladimir Guerrero, encore hier, a catapulté un offreur en fin de neuvième match comme fin dramatique. Tu peux pas demander mieux, là. C'était le scénario rêvé pour Evenko, parce que là, hier, honnêtement, là, c'était un des moins bons matchs peut-être des cinq années là. C'était 0-0 jusqu'en fin de neuvième. Les cérémonies d'avant-match sur l'équipe de 1981, on essayait de rendre hommage à cette équipe-là, ça n'a pas levé. On avait juste Steve Rogers et Tim Raines sur le terrain. Moi, je l'ai écrit dans mon texte, je pense que c'était la soirée où on voulait honorer Vladimir Guerrero et puis ça a pas, c'est tombé à l'eau à cause de un problème de communication avec son équipe. Mais, puis là, finalement, là, t'arrives en fin de 9e, deux retraits. Vladimir Guerrero Junior, premier lancé, qui met ça l'autre bord de la clôture, qui a exactement le même élan que son père, là. D'ailleurs, il y a des gifs qui circulent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, là, de Junior et Senior côte à côte qui frappent un circuit, là. Le même élan. C'est fabuleux. Et puis là, ça, là, les gens ont oublié que le match est un peu ennuyeux, puis ça leur a donné le goût de se dire à l'an prochain pour les deux prochains matchs. Quelle façon de mettre fin à cette rencontre. Et d'ailleurs, Buck Martinez, le descripteur des matchs à Sportsnet pour les Blue Jays, j'ai entendu le circuit de Guerrero, là, comment il a appelé ça, il a dit « Quelle façon de mettre fin au camp d'entraînement. » Tu sais, puis Russell Martin en a parlé dans le vestiaire hier. Ça, là, cette énergie-là là, que les gars ont ressenti en fin de match, là, ils vont pouvoir transporter ça. Ça les transportera pas jusqu'au mois de mai, là, on s'entend, là. Mais tu sais, ça donne un boost. Ils viennent d'oublier, là, les 6 semaines de camp d'entraînement d'un coup, là. Puis là, ils sont réénergisés pour le début de la saison. Vraiment une belle façon de mettre fin à ce jour-là. Par contre, de là à dire que, comme j'ai entendu ce matin, que c'est un circuit historique, on se calme, là. La seule façon que c'est un circuit historique, Danny, on s'en parlait en dehors des ondes tantôt, c'est que c'est le premier athlète né au Québec à mettre fin à un match avec un coup sûr victorieux au stade olympique. Ouais, c'est sûr, il n'y en a pas. Regarde ça, là. Ouais. Et même si Russell Martin l'avait fait, ben Russell Martin est né en Ontario. Effectivement. Le Québécois Russell, qui est né en Ontario. Alors, Vladimir Guerrero, fils, qui est né à Montréal, le seul athlète du Québec à mettre fin à un match de baseball au stade olympique avec un coup sûr victorieux. Ouais, c'est incroyable, hein, quand même. Effectivement. Qu'est-ce que tu as trouvé? Est-ce que tu es rassuré? Hier, j'ai parlé avec Jean-Luc Legendre, hier, qui a réussi un coup de maître. Ben, hier, Marc, par la suite, Stephen Brofman s'est promené à travers la galerie de presse. Donc, tu as sûrement eu l'occasion de parler à Stephen Brofman. Mais est-ce que tu es rassuré? Moi, je suis un peu plus, parce que je suis un peu beaucoup plus, sauf que... heureusement, là, on voit qu'il n'y a rien de nouveau. Là. Tout est ça se passe au baseball majeur, tout simplement. Là. Tout, on voit. Ouais, mais attention, fallait même lire entre les lignes hein, hier parce que Stephen Brunson, il y a des choses qu'il ne peut pas nous dire. Puis, écoute, il a même admis à quelques journalistes après son point de presse. C'est certain qu'il y a des choses dont je ne peux pas parler. C'est sûr qu'il y a des conversations confidentielles. C'est un homme d'affaires. Là. C'est ben ouais. Quand tu fais importante acquisition d'une compagnie, tu peux pas étaler ça sur la place publique. Non. L'annonce est faite quand c'est fait, là. Fait que c'est certain qu'il y a des choses dont tu peux pas nous parler. Et tu sais, dans son message hier, il nous disait, il va falloir être patient, on sait pas combien de temps ça va prendre pour ficeler le plan. Hier, il nous a dit qu'il préférerait commencer directement dans un nouveau stade. Alors ça, quand il nous dit ça, il parle d'expansion dans ce temps-là. Mais d'un autre côté, il nous dit... Oui, mais le baseball majeur nous a dit d'être prêt parce que ça pourrait aller très, très vite. Alors, quand il nous dit ça, il nous parle de relocalisation. Puis là, on n'aurait pas le choix de passer par le stade olympique. Il y a une chose, hein. Il y a plusieurs dossiers qui sont rattachés à ça. Stuart Sternberg, le propriétaire majoritaire des Rays de Tampa Bay, lui a dit que le dossier du stade des Rays, il voulait que ce soit réglé pour le 31 décembre 2018. Oui. Il ne serait pas le premier propriétaire d'équipe professionnelle à imposer une date butoir puis à la retarder s'il la retardait. Mais à un moment donné, ces gens-là négocient, puis ils font des plans à moyen et à long terme, puis ils veulent savoir où ils sent bon. On peut critiquer là, les propriétaires des expos, là, les gens d'affaires qui ont été là en dernier, dont Jeffrey Loria, David Sampson, mais ces gens-là là, ne sont pas des gens d'affaires comme ça en étant non prévoyants. C'est pas des gens qui décident sur un coup de tête. Là. On s'en va, c'est tout est calculé. Ça peut être des gens d'affaires à la morale un peu douteuse ou aux méthodes de travail un peu douteuses. Là. Ça, je ne lis pas ça, mais il y a un plan. Il y a toujours un plan. Mm. Et c'est ça que Steve Bronfman et son groupe ont fait au cours de la dernière année. Ils ont, et Steven Bronfman le dit lui-même, ils ont maintenant un plan béton. Ils ont consulté des experts reconnus et probablement suggérés par le baseball majeur pour fixer comme faut leur plan pour qu'il n'y ait aucune faille. Mm. Alors, le montage financier, ils ont encore différents sites qu'ils explorent. C'est certain qu'ils ne peuvent pas dire on veut ce site-là. Il y a de la spéculation qui va se faire. Il y a peut-être des gens qui vont surenchérir pour se porter acquéreur du site. Il y a plusieurs facteurs là, qui ne peuvent pas être identifiés pour l'instant, mais on a consulté la firme d'architectes Populus qui dessine plusieurs des stades du baseball majeur et qui ont dessiné des stades de la NFL, des Arena, de la Ligue nationale, plusieurs amphithéâtres en Europe. Tu sais, on fait les choses comme il faut. Si le baseball majeur appelle pour dire les Rays, ça marche plus, il faut que ça s'en vienne chez vous, êtes-vous prêts? Ils vont être prêts. D'ailleurs, Steven Bronson l'a dit hier, je ne crois pas qu'il y ait aucune autre ville en Amérique du Nord, et ça, c'est le Mexique, qui soit plus prête que Montréal si jamais le baseball majeur dit on a besoin d'aide. Ouais. Il n'y a personne qui est plus à Montréal. Commencer dans un nouveau stade, moi, je sais pas, là. Tu sais, t'as l'aspect nouveauté, parce qu'on s'entend-tu pour dire que les deux, trois premières années au stade olympique, ça marcherait même de ça, parce que quelque part, les gens se sont tellement ennuyés du baseball. Et là, tu déménages par la suite dans un nouveau stade. Là, t'as encore un 3, tu peux flighter sur un 3-4 ans encore, là. Ouais, mais, moi, je pense que, et là, ce que Steven Bronson disait hier, c'est que c'est au baseball majeur qu'on lui a fortement suggéré cette option-là. Moi, je pense que s'il y a un processus d'expansion à un moment donné qui est lancé, là, on lance un processus d'expansion aujourd'hui. Il y a le dépôt des candidatures, il y a l'étude des candidatures, il y a le choix. Ça va prendre quelques mois, ça. Mm. Puis après ça, ben, le calendrier pour 2019, là, il est pas fait. Il sort au mois de décembre, là, mais il est pas fait au mois de décembre. Là, il va être fait quelque part en juin cette année. Fait que là, 2019, c'est trop tard. C'est 2020, mais là, les gens du baseball majeur vont dire, oui, mais là, comment est-ce qu'on va réaligner les sections, puis ben, les associations? Ouais. Fait que là, il va falloir négocier ça un peu, puis peut-être rouvrir une partie de la convention collective pour insérer des nouvelles clauses. Peut-être un nouveau format des séries qu'il va falloir adopter. Il y a des choses qui vont devoir être mises en place pour accueillir ces deux nouvelles équipes-là, parce que si on va en expansion, on va y aller avec deux équipes d'un coup. Ah ouais, c'est alors, sûr. À ce moment-là, ce délai-là de 2 ans et demi, 3 ans, peut-être, je pense que là, c'est là que Steven Bronfman voudrait prendre ce temps-là pour tout de suite lancer la construction du nouveau stade, puis commencer dans le nouveau domicile. Faut pas oublier qu'on est au Québec, là. Ça veut dire retard, ça veut dire... Hey Fred! Qui se font de façon organisée. Le Centre Bell, là, ça a été rondement la construction du Centre Bell. Puis il y a eu plusieurs gratte-ciels qui ont été construits au cours des dernières années au centre-ville de Montréal. Là, puis on peut pas dire que ça a niaisé trop. Là. Ouais, Fred, les matchs hors concours, est-ce que ça sent la fin de ça? J'espère, parce que tu sais, quelque part, là, moi je trouve ça très bon, 50 000 spectateurs pour deux matchs. Là, c'est un lundi, mardi, les gens des régions comme moi pouvaient pas y aller assister. Mais par contre, on sent quand même un essoufflement, puis ce serait le bienvenu, puis le baseball majeur s'en va à Londres en 2019, fait que pourquoi pas avoir de matchs? Est-ce que tu n'as entendu parler que peut-être que Vinco va refaire une tentative pour avoir des matchs matchs quelque part de saison régulière? Peut-être même en les Jays en avril? Ça gueule. Vinco l'a dit que c'était pas son dossier, que c'était le groupe de Bronfman qui pouvait faire bouger les choses là-dessus. Bronfman, lui, une conversation qui qui se voulait un peu privé, je pense, mais qui le tenait côté de moi, sa galerie de presse, fait que j'ai pas pu faire autrement qu'entendre. Lui, il met de la pression au baseball majeur. Et il a rappelé au baseball majeur que San Juan à Porto Rico cette année va avoir des matchs, que Monterrey au Mexique va avoir des matchs, et que là, le Tour de Montréal doit venir bientôt. Et lui, il a dit au baseball majeur, ils le savent, et de la pression, jamais. Là, ça, c'est dit, les Jays, eux autres, ça les intéresse pas, il y a 30 000 personnes par match dans leur stade. Ça va prendre une équipe qui attire moins, qui est sur la côte est, et qui va accepter de prendre une série de deux ou trois matchs puis venir la jouer à Montréal. Est-ce que ce sera les Rays? Le baseball majeur aime pas cette idée-là, trouve que c'est un peu incestueux envers la situation. Ça donnerait vraiment... ça aurait l'air arrangé. Puis l'apparence, les apparences sont très importantes pour le baseball majeur. Est-ce que ça pourrait être les Marlins, par contre? Ça pourrait être les Marlins. Écoute, ça pourrait être les Indians. C'est aussi triste que c'est une équipe qui est allée à la Série mondiale il y a quoi, deux ans. Et puis bon, l'année passée, c'était mieux, mais avant les séries il y a deux ans, c'était famélique, les assistantes. Il y a plusieurs équipes là qui sont pas en difficulté, mais qui attirent moins. Mm. Et qui seraient peut-être intéressées à jouer une série de trois matchs. Et tu sais, pour certaines de ces équipes-là, là, enlève les Rays, là. Écoute, parenthèse dans ma parenthèse, hier, pendant qu'il y avait 25 000, presque 26 000 personnes au stade olympique, au Tropicana Field, il y avait 5 000 personnes pour le même match, là, un match pré-saison avec ton équipe locale. Fait que, alors, il y a peut-être des équipes qui se disent, « Hey, nous autres, nos foules, là, ça va plus ou moins bien. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en pensais, là, les boys autour de la table, là? On va aller jouer trois games au stade olympique à Montréal. Ça va peut-être faire peur à une couple de partisans ici qui vont dire, hey, tabarouette, si on se met pas à y aller, on va peut-être les perdre, nous autres aussi. Mm. Peut-être que ça peut raviver la flamme. Tu sais, des fois, là, tu t'ennuies pas ou tu sais pas ce que t'as perdu tant que tu l'as pas perdu, hein. Mais non, peut-être que de s'ennuyer pendant trois matchs, que t'es supposé avoir dans ta cour, mais qu'ils jouent à 1000 km de chez vous, peut-être que ça va en faire réfléchir quelques-uns. Fait que moi, je pense que cette idée-là doit germer un peu dans quelques marchés. Ouais, effectivement, effectivement. Hey, dis-moi, hier, il y a un article qui a passé dans le Toronto Sun que certains joueurs des Blue Jays commençaient à en avoir rôle pompon de venir jouer des matchs à Montréal. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Ouais, ben je l'ai lu, puis je connais bien le journaliste Steve Buffin qui a écrit ça. C'est un joueur, hein? Okay, un joueur qui l'a approché avant le match de lundi. Que l'autre, que le journaliste lui a demandé tout bonnement comme ça, puis comment vous aimez ça, les games à Montréal? Puis ce joueur-là a un peu, tu sais, haussé les épaules en disant, « Ouais, ben OK, c'est correct, là, Russell, il a son petit moment de gloire, tu sais, il rencontre les médias, puis il dit, nous autres, tu sais, ça ne dérange pas plus que ça. » Je pense pas que c'est de l'écœurement, mais moi, je pense que de toute façon, là, ces deux matchs-là, là, ils pourraient être joués n'importe où. C'est les deux derniers matchs de la Ligue des Pamplemousses. Tout le monde est écœuré du camp d'entraînement. Mm. Montréal, pas Montréal. La surface de synthétique, là, ça, c'est une défaite. La surface, là, c'est exactement la même que les Blue Jays avaient avant de changer pour du gazon naturel. Fait que la surface, là, tu sais, pour jouer deux matchs, c'est John Gibbons riait beaucoup là, de la surface. Après le match de lundi, on lui a demandé, tu sais, ces matchs-là, les matchs à Montréal, justement, la surface, puis tout ça. Puis il y a un journaliste qui a dit, ah oui, la surface qui va blesser tous vos joueurs, puis Gibbons est parti à rire en voulant dire, oh, hey, tu sais, il nous regardait, il a pas passé de commentaire, mais ses yeux en disaient long, tu sais, ça voulait dire, achalez-moi pas avec la surface, là, c'est pas deux games qui vont blesser mon équipe, là. Fait que c'est moi, je pense, est-ce que ça méritait une histoire? Je le sais pas. Est-ce que, tu sais, à un moment donné, là, on a tous des patrons, on a tous des impératifs. Steve Buffren, lui, a des pages à remplir, puis il y a des clics à aller chercher sur le site du Sun. Et tu sais, bon, peut-être c'est pas. Regarde, pour eux autres, là, ils ont 180 matchs de baseball à remplir des histoires. C'est sûr que la moindre anecdote qui sort de l'ordinaire, hey, ça leur fait 300 mots faciles. C'est sûr qu'ils sautent là-dessus. Comme la misère sur le pauvre monde, là. Tu sais, fait que eux autres, c'est anecdotique. Nous autres, on prend ça un peu, tu sais, ça nous bouscule puis ça nous choque un peu. Mais, tu sais, ce match-là aurait pu être à San Juan que le commentaire du gars aurait été le même. Fait que c'est pas contre Montréal, c'est pas contre le Stade Olympique, c'est pas contre la série de deux matchs. C'est l'usure du camp d'entraînement, puis le dépaysement peut-être, ou le... Tu sais, ces gars-là, là, ils sont habitués, ils veulent la même routine, aller à la même place, coucher à la même heure, arriver à la même heure. Ça bouscule leur routine, puis c'est pour certains, ça les dérange plus que d'autres. Oui. J'ai croisé chez Weber au Stade Olympique, il y a quelques joueurs du Canadien qui étaient venus prendre part à un entraînement au bâton avant celui des Jays. Évidemment, Weber, avec le pied dans une botte protectrice, il n'a pas frappé de balle, là. Mais il a déjà joué au baseball à un très haut niveau chez Weber et j'aurais été très curieux de le voir frapper. Mais c'est ça, je l'ai croisé hier, je lui ai dit que le livre sortait bientôt. Il était très heureux de ça, très content. Il voulait avoir des copies pour lui, ses enfants. Fait que ça m'a fait un petit vlog quand même de voir là, qu'il s'intéressait comme ça au projet. Là. Il était très affable hier. Il avait le goût de jaser. Fait que ça a été bien agréable. Ben écoute, la série Raconte-moi, c'est une série de biographies, soit sur des personnalités ou des événements. C'est une série qui est l'objectif est pour les 9 à 13 ans, je dirais, le public cible. Mais écoute, moi, c'est sûr que j'en ai lu quelques-uns aussi pour avant d'écrire, pour me donner le ton de la série et tout ça. Puis c'est certain que c'est pas qui ne cassera pas la tête à lire ça, mais quelqu'un qui veut lire rapidement de l'information sur un événement ou une personnalité, il va trouver son compte. C'est des livres qui sont très intéressants, qui se lisent pour des adultes qui se lisent très rapidement. Puis pour des enfants de 9 à 13 ans qui se veulent quand même un beau défi de lecture, mais qui traitent de sujets qui les intéressent plus. T'sais, peut-être que Raconte-moi, Yann Englund, toi et moi, Danny, on n'est pas le public cible. Mais pour les jeunes filles de 9-13 ans, ben Raconte-moi Marie-Mé, Raconte-moi Yann Englund, Raconte-moi Martin et Matt, ben c'est des sujets qui les intéressent. Mais il y a d'autres sujets comme Raconte-moi les plans d'Abraham, Raconte-moi les Jeux olympiques de Montréal, Raconte-moi les Nordiques, Raconte-moi les expos. C'est sûr que si on parle des joueurs du Canadien, il y a déjà eu Carey Price, Max Pacioretty et ben, Piqué Subban qui devait être un joueur du Canadien, mais qui est devenu un joueur des Predators en même temps que Jonathan Bernier qui écrivait son livre. Mais alors, c'est ça, tu sais. Alors, ce sont des sujets qui veulent intéresser les jeunes. Et c'est la série, c'est Régent Tremblay qui en est un peu l'idéateur. Et son but, à lui, son objectif, c'est qu'il disait, on chiale que les jeunes... décrochent vite ou qui n'ont pas d'intérêt pour l'école, mais il me semble qu'il n'y a pas de nouveaux livres intéressants à leur proposer pour que ces jeunes-là lâchent les écrans puis se mettent à lire. Alors, c'était l'objectif pour lui, c'était de redonner le goût à la lecture, de faire découvrir que d'autres choses aux jeunes. Fait que c'est comme ça qu'il a lancé la série. Et Raconte-moi chez Weber, qui sort le 11 avril, ça va être le 30e déjà de la série. Oui, hey, ça, merci Danny. Ça, vraiment, là, je sais que pour monsieur et madame tout le monde, là, ils vont dire comment tu fais qu'il est content demain, ouais, mais moi, là, quand j'avais 20 ans, là, je travaillais à Baseball Québec, puis on allait voir des entraînements au bâton au Stade Olympique, puis j'ai un de mes amis qui était bien meilleur que moi au baseball, qui jouait pour l'Académie Baseball Canada. Puis à un moment donné, je l'avais amené voir justement l'entraînement au bâton, je pense, des Cœurs de Saint-Louis, là, je suis pas certain, mais on avait pris l'ascenseur pour descendre au niveau du terrain. Puis dans l'ascenseur, comme ce week-end, t'as une espèce d'affiche avec toutes les accréditations qui donnent le droit d'accéder au terrain ou au vestiaire. Puis il y a celle-là, celle du Baseball Writers Association of America, le BBWAA, qui est l'Association des chroniqueurs de baseball d'Amérique. Bien, cette accréditation-là t'ouvre les portes de tous les stades d'Amérique, autant des ligues mineures que des ligues majeures. Et tu peux arriver là sans être annoncé, tu présentes ta carte, on doit te donner accès à la galerie de presse. Et cette carte-là, j'avais dit à mon chum Bruno à l'époque, Bruno Vaillancourt, j'avais dit, cette carte-là, un jour, je vais l'avoir. Et puis, quand j'ai couvert les expos en 2001 pour cyberpresse.ca, qui est devenu lapresse.ca, évidemment, la première année que tu couvres, tu reçois pas cette carte-là. C'est pas que c'est très exclusif comme club, là, mais tu reçois pas cette carte-là. Puis après ça, j'ai changé d'emploi, les expos sont partis, et je pensais jamais avoir accès à ça, parce que c'est... Ce sont les membres de cette association-là aussi une fois que tu as été membre pendant 10 ans, qui vote pour le Temple de la Renommée à Cooperstown. Et puis là, à un moment donné, mais ça faisait 4 ans que j'écrivais sur le retour des expos, puis que je faisais quand même des textes originaux sur le baseball. Originaux, pas dans le sens que c'était les plus passionnants de l'histoire, mais je veux dire, des textes signés sur le baseball, même du baseball majeur, même sans avoir d'équipe. Et puis, je m'étais renseigné auprès du chapitre canadien. J'avais dit, est-ce que je me qualifie pour être membre? Puis l'année passée, on m'avait dit, ben oui, parce que la presse canadienne, Canadian Press, est un média reconnu par l'Association des chroniqueurs de baseball. Il faut d'abord que ton média soit reconnu avant que toi, tu puisses devenir membre. On m'avait dit, Canadian Press, il n'y a pas de problème, vous êtes reconnu. Soumets-nous quelques-uns de tes textes, puis explique-nous comment tu couvres le baseball. Parce qu'ils disent, on en a des chroniqueurs qui sont dans des villes où il n'y a pas de baseball, puis qui sont quand même accrédités. Et puis l'année passée, on m'avait dit, écoute, il est trop tard pour 2017, mais reviens-nous en janvier, puis on va sérieusement réétudier ta candidature. Alors, j'ai refait le processus en janvier, puis une semaine plus tard, on m'a envoyé un courriel en me disant, oui, écoute, pas de problème, envoie-nous une photo, envoie-nous un chèque, puis tu vas recevoir ta carte de membre quand les Jays vont être à Montréal à la fin mars. Fait que c'est anodin pour plusieurs, mais pour moi, en tout cas, qui souhaitait, pendant mes études, de pouvoir couvrir le baseball sur une base régulière, et puis qui, là, presque 20 ans plus tard, qui sent là le baseball quasiment, là, je peux quasiment le toucher là de façon permanente, là. Je peux te dire que j'aspire à ça. J'espère que les expos vont revenir pour que je puisse les couvrir de façon permanente, de façon quotidienne. Et puis d'obtenir cette carte-là cette semaine, c'était pour moi un bel accomplissement professionnel, puis un peu un rêve de jeunesse qui se réalisait. J'étais très fier, très content de ça. Parfait, ben merci Danny.